Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur la plus saisissante des histoires d'évasion fiscale, le scandale SwissLeaks. Dans notre imaginaire collectif qui pour le coup rejoint la réalité, le concept d'évasion fiscale se résume à la situation d'un individu qui place son argent à l'étranger afin de le dissimuler, donc de moins payer d'impôts. L'individu en question fait semblant de ne pas comprendre que l'impôt, aussi peu sympathique qu'il soit, est un lien social. Mais lui se fiche complètement de toute idée de solidarité. Alors, il choisit un pays où le système bancaire, complice de sa forfaiture, lui permet de mettre son argent à l'ombre. Ce sont les fameux paradis fiscaux. Ici, à l'aide d'officines peu scrupuleuses et de savants stratagèmes que l'on connaît sous le nom de sociétés offshore ou sociétés écrans, de comptes numérotés ou de comptes affiliés, l'argent disparaît du circuit bancaire international. Mais avec SwissLeaks, cette logique est poussée à son maximum. Car cette fois, c'est la deuxième plus grande banque d'investissement du monde, HSBC, présente dans 84 pays à travers la planète, qui propose directement à ses clients d'échapper à leur impôt en l'évadant en Suisse. Un préjudice grave pour les finances publiques mises à mal depuis la crise de 2008 à travers le monde, et sur le plan moral, bien sûr, une tricherie sur le mode du chacun pour soi. C'est cela, l'affaire SwissLeaks, un scandale bancaire à dimension internationale qui réunit tous les ingrédients de l'évasion fiscale à grande échelle. Après le récit, nous recevons deux sociologues qui, depuis des années, enquêtent sur les coulisses de ce phénomène, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, auteurs d'un ouvrage intitulé « Tentative d'évasion fiscale », paru aux éditions La Découverte en septembre dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Jean-Philippe Jeanne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Paris, tribunal correctionnel, nous sommes le 16 février 2015. Sur les marches du palais, deux avocats fument une dernière cigarette avant d'entrer dans l'enceinte du tribunal pour plaider. À l'intérieur règne une certaine agitation. Ici et là, des photographes de presse, des journalistes, des caméras, des flashs et des micros. Tous semblent attendre quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Vers 9h30, une silhouette apparaît au fond de la salle des pas perdus. Il s'agit d'une femme d'une soixantaine d'années, le cheveu grisonnant, parfaitement maquillée et gracieusement habillée. À mesure qu'elle se rapproche, on distingue le long manteau blanc qu'elle porte avec élégance. Une pièce digne de la création d'un grand couturier. Et pour cause, cette femme, c'est Arlette Ricci, héritière de la célèbre maison de haute couture Nina Ricci et petite-fille de Nina. Dans un élan spontané qui tourne vite à la bousculade, les journalistes présents se précipitent dans sa direction. D'un regard habile, celle qui comparaît aujourd'hui devant la 32e chambre en charge des délits financiers évite toute confrontation directe et avance d'un pas soutenu en direction de la salle d'audience, gratifiant seulement les photographes d'un sourire. Ces seuls mots seront à destination d'un journaliste de France Info qui l'interroge sur sa présence ici. Est-ce que vous avez voulu frauder le fisc ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous verrez bien. Manifestement détendue, pour ne pas dire désinvolte, Arlette Ricci pénètre dans la salle d'audience, l'air amusé comme le serait un enfant qui entre dans un parc d'attractions. Car pour elle, membre du Gotha parisien, habitué des dîners mondains et contre qui la justice d'ordinaire ne peut, disons, pas grand-chose, va devoir faire face, cette fois comme tout citoyen, aux lois de la République. La raison de sa comparution, la justice reproche à Arlette Ricci, mais aussi à sa fille Margot, de ne pas avoir payé leurs impôts. Ou plutôt, de les avoir payés, mais d'avoir oublié de déclarer la bagatelle de 21,5 millions d'euros au fisc. Argent dont on les soupçonne d'avoir dissimulé l'existence dans des paradis fiscaux, Panama et îles Vierges britanniques en l'occurrence. Dans le droit français, il s'agit là d'une fraude fiscale aggravée dans le cas présent, car réalisée avec la complicité d'une banque, ici même en France, HSBC. Loin d'être un acte isolé, la procédure contre l'héritière de la fortune Ricci est en réalité l'un des premiers procès d'une emblématique affaire dont le scandale a éclaté une semaine plus tôt, le 9 février 2015. On connaissait les affaires Wikileaks et LuxLeaks. Voici donc à présent SwissLeaks. C'est comme ça que les journalistes d'investigation de plusieurs médias internationaux ont décidé de baptiser l'affaire à laquelle le journal Le Monde consacre tout un dossier aujourd'hui. L'affaire en question concerne la banque britannique HSBC et plus précisément sa filiale suisse. Nos confrères ont eu accès à des documents qui montrent l'ampleur de l'évasion fiscale qui existait à l'époque grâce aux secrets bancaires suisses et à des pratiques sophistiquées destinées à mettre l'argent de riches clients à l'abri dans des paradis fiscaux. Rien qu'entre 2006 et 2007, 180 milliards d'euros auraient transité par Genève, ni vu ni connu, pour le compte de quelques 100 000 particuliers et quelques 20 000 sociétés. Les chiffres donnent le vertige. Fruit d'investigations hors normes et d'une enquête inédite menée entre Paris, Washington, Bruxelles ou Genève, l'affaire SwissLeaks, comme l'ont baptisé les journalistes du quotidien Le Monde, n'est autre que la face cachée d'un vaste système d'évasion fiscale accepté et même encouragé par l'établissement bancaire HSBC via sa filiale suisse HSBC Private Bank. Les journalistes du journal Le Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, qui enquêtent depuis plusieurs années sur les pratiques de cette banque, sont entrés en possession de données bancaires mondiales, portant sur la période 2005-2006-2007. Des données qui établissent l'existence d'une gigantesque fraude à l'échelle internationale. Interrogé sur l'origine de ces informations explosives, Fabrice Lhomme révèle comment lui et son confrère ont réussi à mettre la main sur ces éléments. Avec Gérard Davé, on enquête depuis plusieurs années sur l'affaire dite HSBC, puisque c'est une affaire qui est instruite par des juges financiers à Paris, portant en tous les cas cette enquête française sur les contribuables français qui auraient fraudé le fisc. Et à cette occasion, on a eu l'opportunité de publier un grand article début 2014 dans Le Monde qui faisait état des avancées du dossier judiciaire et on évoquait des contribuables français en délicatesse avec le fisc. Suite à cet article, il se trouve que une personne qui a apprécié notre travail d'investigation, c'est du moins ce que nous a dit cette personne est venue nous trouver au Monde et nous a remis une clé USB en nous disant que ce qu'on avait publié n'était qu'une toute petite partie de l'affaire. C'est quelqu'un qui a eu la possibilité d'avoir accès à des données, ce qu'on a eu dans cette clé USB, c'est-à-dire en fait l'intégralité des clients de la banque HSBC Private Bank, c'est-à-dire la filiale genevoise de HSBC. Et ces données recouvrent donc plusieurs centaines de milliers de noms, alors soit de personnes morales, soit de personnes physiques, de personnes donc qui ont placé leur argent à une période donnée en Suisse, et la plupart du temps, évidemment, à l'insu des fiscs nationaux. Affaire exceptionnelle, traitement exceptionnel. Destinataire exclusif de cette clé USB contenant des dizaines de milliers de fichiers, le journal Le Monde décide au printemps 2014 de les partager avec des médias internationaux pour en assurer le traitement le plus exhaustif. Au total, ce sont 154 journalistes de 55 médias dans 47 pays qui sont mobilisés dans la plus grande discrétion pour éplucher ces listings. Et leurs investigations débouchent vite pour certains sur de nombreuses surprises. En effet, dans cette liste des 100 000 fraudeurs contenus dans le fichier HSBC pour les années 2005 à 2007, on retrouve des capitaines d'industrie, des dirigeants politiques, des monarques, comme les rois du Maroc ou de Jordanie, des vedettes du spectacle ou du sport, des médecins, des chirurgiens, des avocats, des pilotes de Formule 1, des diamantaires belges et même le directeur général de la banque HSBC, Stuart Gulliver, lui-même. Tous ont une intention commune, échapper à l'impôt. Rien qu'au niveau français, on identifie 3000 contribuables connus ou inconnus des services de Bercy et dont le total des avoirs dissimulés s'élève à plus de 5 milliards et 700 millions d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, cette somme représente approximativement le budget annuel de la ville de Paris. Parmi ces allergiques aux taxes et aux contrats sociaux, on retrouve des noms tels que ceux des protagonistes de l'affaire Elf, André Guelfi, André Tarallo, le coiffeur Jacques Dossange, mais aussi le footballeur Christophe Dugarry, le cuisinier Paul Bocuse, le cinéaste Cédric Clapiche, la famille Wacky, propriétaire des magasins Tati, le chanteur Philippe Laville, l'humoriste Gad Elmaleh ou encore l'artiste Christian Boltanski. Il y a même le nom d'un sénateur UDI, Émeric de Montesquieu. Tous ont en commun d'avoir dissimulé grâce à HSBC de l'argent en Suisse. Certes, la plupart d'entre eux ont régularisé leur situation, mais d'autres, comme Arlette Ricci, refusent encore tout compromis. L'élément le plus surprenant et sans conteste le plus grave dans les révélations du journal Le Monde, c'est qu'il n'y avait pas que des particuliers riches ou moins riches qui profitaient du système HSBC. Non, la banque hébergeait aussi l'entreprise du crime organisé, comme le confirme Fabrice Lhomme. C'est là que c'est encore plus grave, on va dire. Parce que vous avez d'un côté des gens qui placent de l'argent et qui veulent échapper au fisc et qui sont, par exemple, dentistes, antiquaires, etc. Procédé sans doute choquant, mais moins évidemment que l'argent gagné sainement. Quoi. Voilà, exactement. Moins que les gens, et il y en a, on le révèle, des gens qui sont des financiers d'Al-Qaïda, des gens qui sont liés aux narcotrafiquants en Amérique du Sud et qui sont là non seulement pour tromper le fisc, mais même pour blanchir de l'argent du crime. À l'Élysée, l'affaire du scandale SwissLeaks s'embarrasse les responsables politiques. Car si la presse ne révèle que quelques noms, le chiffre, lui, celui de plus de 3000 contribuables qui ont envoyé leur argent en Suisse, montre l'ampleur du fléau. De son côté, le ministre des Finances, Michel Sapin, monte au créneau pour remettre les pendules à l'heure. Interrogé par des journalistes, il explique que l'administration fiscale était déjà en possession de ces données depuis l'année 2009 et que depuis, elle a ouvert de nombreuses procédures judiciaires à l'encontre de la banque, mais aussi des fraudeurs. L'administration fiscale française était déjà sur le coup, y compris grâce à des informations déjà données précédemment. Donc dans la plupart de ces dossiers, aujourd'hui, soit des enquêtes sont en cours, soit même des poursuites ont été engagées. Beaucoup de procès sont ouverts ou vont ouvrir. Et de même que nous poursuivons la banque HSBC pour complicité dans ce domaine. Et là aussi, vous savez que la procédure est très avancée devant les tribunaux français. À Guilin, en Chine, les pêcheurs font appel à un expert local pour capturer les plus beaux poissons. Pour HSBC, rien ne peut remplacer le savoir-faire local. C'est pourquoi nous nous appuyons sur des experts financiers locaux pour optimiser vos choix d'investissement en France et dans le monde entier. HSBC, votre banque partout dans le monde. Si dans un premier temps, les critiques se concentrent essentiellement sur la banque HSBC, accusée par certains de spolier les recettes budgétaires françaises ou par d'autres de participer à la décadence des valeurs morales des citoyens, une autre polémique ne tarde pas à éclater dans la presse, et celle-là sur un front moins attendu. En effet, certains journalistes avancent l'hypothèse que parmi les fonctionnaires de Bercy, certains auraient sciemment retardé ou bloqué des enquêtes sur des fraudeurs lorsqu'ils se seraient rendus compte que ces derniers occupaient des postes importants sur l'échiquier politique ou administratif. Autrement dit, que Bercy aurait tenté d'éteindre la fumée d'un scandale qui, s'il avait été révélé par la suite, aurait incriminé certaines personnalités politiques qui, ne l'oublions pas, sont censées montrer l'exemple. Afin de couper court à ces suppositions, le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, rappelle que depuis 2009, les services en charge de la régulation à Bercy ont reçu plus de 50 000 dossiers provenant de Français qui ont possédé des comptes à l'étranger et qui souhaitent désormais régulariser leur situation. Le secrétaire d'État ajoute que pour l'année 2015, ce sont 2 milliards d'euros issus de cette régularisation qui vont entrer directement dans les caisses de l'État et il précise, je le cite, « On a tous le droit d'avoir de l'argent à l'étranger, encore faut-il le déclarer ». Bien. Enfin, ce que le secrétaire d'État oublie de préciser, c'est que sur ces 50 000 dossiers désormais entre les mains des fonctionnaires du fisc, seule une provient du listing HSBC. Ceux qui se sont donc régularisés par peur des sanctions n'étaient donc pas forcément ceux qui se croyaient en sécurité grâce au montage bancaire élaboré par cette banque. La pêche de Bercy dans l'océan de l'évasion fiscale reste ainsi, et contrairement aux apparences, du menu fretin, un filet de poisson là. Sur les bancs de l'Assemblée, des députés de la majorité et de l'opposition crient leur exaspération contre un système bancaire en roue libre depuis de trop nombreuses années. Parmi eux, le député PS Yann Gallu, rapporteur d'un projet de loi sur la lutte contre l'évasion fiscale. Il s'insurge et réclame des comptes à la Suisse. La Suisse a couvert un système qu'on peut qualifier de mafieux pendant des années et des années. Et aujourd'hui, je lance un appel pour que la Suisse, eh bien, indemnise les pays qui ont été victimes de cette fraude et de cette évasion fiscale massive. De son côté, la banque HSBC réagit et présente ses excuses par communiqué. Elle reconnaît des manquements passés, mais elle assure que depuis, elle a connu une transformation radicale pour empêcher l'évasion fiscale ou le blanchiment d'argent, promis, craché, juré. Des mots, toujours des mots, qui semblent peser bien peu, vu l'importance des sommes engagées. Car ici, on parle d'un total de 180 milliards d'euros en l'espace de 2 années, soit le PIB d'un pays comme la Nouvelle-Zélande. Mais dans ce scandale SwissLeaks, décidément hors norme, il y a au-delà du fond l'évasion fiscale organisée par la banque, donc une question de forme qui traduit en fait la peur d'une presse libre et donc utile. Était-ce aux journalistes du Monde de publier dans leur colonne les noms de personnalités présentes dans le fichier HSBC? Quelle est donc la limite entre l'information et la délation? Interviewé à ce sujet sur France Inter, l'un des principaux actionnaires du grand quotidien français, Mathieu Pigasse, au passage directeur général délégué de la Banque Lazare France, réagit de manière nuancée. Écoutez, la bonne méthode, c'est d'abord de saluer le travail d'investigation remarquable qui a été fait par Le Monde et dont je suis fier. Hein, 100 000 comptes épluchés pendant un an par près de 150 journalistes, je crois, venant de 50 pays, pour dénoncer quelque chose, je trouve, scandaleux, qui est une gigantesque machine à blanchir de l'argent. Maintenant, il est vrai qu'il y a un juste équilibre à trouver entre le fait de divulguer des informations d'intérêt général ou d'intérêt public, et puis le fait de ne pas tomber, disons, dans une forme de maccartisme fiscal ou de délation. De son côté, le directeur du Monde, Gilles Vancotte, réplique à la polémique. Il s'agit d'une enquête qui donne à voir ce qui était fait pour rester dissimulé, invisible, et dont nous estimons qu'elle contribue à faire progresser le débat démocratique, la régulation et la justice sociale, dit-il. Avant d'ajouter, sur les 3 millions Français figurant sur les listes HSBC, Le Monde n'en a diffusé qu'une cinquantaine, ceux des personnalités publiques, dont les responsabilités ou la notoriété auraient dû les engager à l'exemplarité, ou de personnes ayant commis des infractions suffisamment graves pour qu'elles fassent l'objet d'une plainte de l'administration fiscale. Mais au bout du compte, l'affaire du scandale SwissLeaks et de la banque HSBC n'ont pas répondu à toutes les questions. Parmi elles, quelle est donc la méthode employée par la banque pour organiser cette fraude de si grande ampleur? D'où viennent exactement ces fichiers que les journalistes du Monde ont reçus sous forme de clés USB? Et enfin, quelle est la véritable histoire qui se cache derrière le logo de la banque HSBC? HSBC, the world's local bank. Genève, Kelleberg, en bordure du lac Léman. Nous sommes chez HSBC Private Bank, filiale suisse du numéro 2 mondial des banques d'investissement, l'enseigne sino-britannique HSBC Holding. C'est ici, derrière la façade blanche de cet immeuble discret de 5 étages, que pendant plusieurs années, les conseillers financiers de la banque se sont livrés à d'opaques pratiques financières destinées à faire disparaître les fortunes de leurs riches clients. Des pratiques en partie révélées par le scandale SwissLeaks. Mais avant d'entrer dans le détail et de revenir sur le mécanisme de ces opérations frauduleuses, intéressons-nous d'abord à la banque qui est au cœur de toute cette affaire en tant que coupable numéro 1, HSBC. Si vous prenez l'avion dans un aéroport international, vous avez sans doute déjà vu ces quatre lettres et son logo souligné d'un trait rouge sur les portes d'embarquement accompagné de ce slogan « HSBC, votre banque partout dans le monde ». Car elle n'est pas une banque comme les autres. HSBC, c'est un géant intercontinental de la gestion de fortune et d'actifs. Aux origines, en 1860, derrière l'acronyme se cache la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, banque de l'Empire britannique des Indes, dont le rôle est de financer le commerce d'opium dans la région Asie-Pacifique. Très vite, la banque accumule des rentrées considérables en devises et devient au milieu du XXe siècle l'une des plus riches du monde. Ça, c'est la première étape. La seconde porte sur son développement en tant que conglomérat. Car très vite, HSBC révèle sa volonté expansionniste et rachète ses concurrents, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, les uns après les autres. Présente aujourd'hui dans 84 pays, elle emploie plus de 300 000 personnes. Pour les plus de 30 ans en France, l'ancien nom de HSBC a une résonance, le CCF, Crédit Commercial de France, une banque qui avait un goût prononcé pour ouvrir des comptes, y compris des comptes courants, à des personnes connues dans tous les milieux artistiques, politiques, médiatiques, enfin tout ce qui brille. Ça c'est pour l'image. Pour le reste et pour l'essentiel, HSBC c'est aujourd'hui un géant qui, pour l'économiste français Gabriel Zucman, induit un effet dangereux en matière bancaire. Car cette banque est à la fois trop grande pour faire faillite et se sait donc protégée par les États, mais aussi trop grande pour être condamnée. Bref, HSBC comme même pas peur. Ça s'appelle aussi le sentiment d'impunité. D'autant que dans une telle structure, il suffit que seulement 4 à 5% des employés soient des gens malveillants pour que la situation bascule. Et chez HSBC, c'est précisément ce qui s'est passé. Car désormais mondialisée et apatride, et selon les témoignages de certains de ses anciens cadres, HSBC, aussi peu régulée que surveillée, est devenue la banque offshore par excellence. Une situation qui ne l'empêche pas de jouer la carte de la sécurité à la télé. Dans la vie, j'ai toujours eu horreur de prendre des risques. Pourtant, j'ai bien été obligé de le faire. Dans le choix de mes études, de mon travail, de ma maison. En fait, dans tous mes choix importants. Et je dois bien le reconnaître. Cela a beaucoup enrichi ma vie. Laissez votre patrimoine passer à la vitesse supérieure. HSBC Premier, votre personnelle économie est entre de bonnes mains. Parmi ces bonnes mains dans lesquelles l'argent des clients d'HSBC transite, il y a celle d'Hervé Falciani, un ingénieur informaticien français d'une trentaine d'années. Entré chez HSBC en 2006, il a pour mission de réorganiser le système d'information des données afin d'en améliorer la sécurité. Bien. Mais au fil du temps, il comprend vite que tout ce qui se passe chez HSBC n'est pas parfaitement légal et qu'une partie du système de données favorise en réalité l'évasion fiscale. Falciani a accès au cœur névralgique de la banque, le système d'échange entre les conseillers et leurs clients. C'est ainsi qu'il va copier plusieurs dizaines de téraoctets d'informations non cryptées sur des disques durs portables. Falciani veut ainsi alerter ses supérieurs sur les mécanismes opaques adoptés au quotidien. Mais à la direction d'HSBC, personne ne l'écoute. Au contraire, tous lui demandent d'abandonner ses recherches et de se cantonner à son simple rôle, celui d'exécutant et de fermer les yeux. Il devient alors ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Il livre les informations qu'il détient à plusieurs services de renseignement en Europe. Des années plus tard, Hervé Falciani témoignera lors de son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce qui m'a fait entreprendre cette démarche fut le fait de constater que la banque est une des premières banques mondiales qui avait pour charge à l'origine de protéger les intérêts des clients et aussi ses engagements au niveau de la société et donc des États, avait en fait pour seule intention de se soustraire à ses obligations et d'être dans une logique de contournement de ses responsabilités. Et ça passait donc par effectivement des manquements en termes de régulation, en termes de contrôle au niveau de la maîtrise de ces outils informatiques. Donc ce dont j'avais été témoin pendant des années, c'était que la banque, au lieu de faire évoluer son système vers des systèmes plus performants, eh bien cherchait à pouvoir se soustraire au mieux à ses responsabilités. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. HSBC, the world's local bank. On sait aujourd'hui que ce sont les services français de la DNEF, la Direction nationale des enquêtes fiscales, sous la direction de Roland Vaipo, qui ont mis la main sur les listings de l'informaticien au terme d'un rocambolesque jeu de piste avec les services secrets français. Nous sommes alors en 2008, et après expertise, Bercy a désormais entre les mains une bombe, les renseignements que Hervé Falciani a subtilisés à son ancien employeur, HSBC. À partir des fichiers, ils établissent une liste d'un peu plus de 3000 noms, dans laquelle figure le cuisinier Paul Bocuse, mais aussi et surtout des personnalités au caractère sensible. Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt, et au passage un très bon ami du ministre du budget d'alors, Éric Woerth. On retrouve aussi le nom de Jean-Charles Marchiani, ancien préfet proche de Nicolas Sarkozy. Et il se dit qu'il y aurait aussi d'autres noms de responsables politiques toujours en activité aujourd'hui. Mine d'or, le listing Falciani est aussi une bombe à retardement qui menace à tout moment d'exploser à la figure du gouvernement de François Fillon. Aussi, lorsque, début 2009, la Suisse réclame la restitution immédiate des informations détenues par Hervé Falciani et désormais par le fisc, à Paris, en haut lieu, et en particulier sur le bureau de la ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, on ne se pose pas trop de questions et on obtempère, trop heureux sans doute, de se débarrasser de cette embarrassante affaire. C'est ainsi que, comme l'explique le procureur Éric de Montgolfier, qui instruisait le dossier, des pressions ont été exercées sur lui et sur la justice pour que les listings Falciani soient rendus à la Suisse. À travers le procureur général d'Aix-en-Provence, l'ordre m'est venu de rendre ces fameux fichiers en original aux Suisses. Tu les fais porter, me dit le procureur général, tu les fais porter aux Suisses et je suis même prêt à mettre mon chauffeur à ta disposition pour les rapporter. Ça aurait été la fin de l'affaire HSBC. Tout à fait. Le refus du garde des Sceaux de conserver l'original se traduisait effectivement par une belle tranquillité pour tous les fraudeurs. Plus grave, il y avait dans ces fichiers des noms que l'on voulait protéger. Il ne faut pas se tromper, la matière fiscale est un levier du pouvoir. Cette volonté judiciaire d'enterrer l'affaire se traduit aussi dans les faits par la mise à pied quelques mois plus tard du chef de la DNEF qui avait mis la main sur les listings Roland Vaipo. Mais avant son départ anticipé, le fonctionnaire avait pris soin de faire entrer un par un tous les noms des contribuables suspectés dans la base interne du contrôle fiscal pour que personne ne puisse falsifier ces données. De son côté, le procureur de Montgolfier est dessaisi au préfet du parquet de Paris. Deux mises à l'écart qui démontrent l'embarras d'une telle affaire pour les responsables politiques. Toujours est-il que ce sont ces mêmes données du listing Falciani qui finiront entre les mains des journalistes du Monde en 2014 grâce à un mystérieux intermédiaire. Alors au juste, comment procédait la banque HSBC pour organiser la fraude de ses clients ? Dans l'affaire SwissLeaks, tout commence en février 2005. Consciente de la mise en place prochaine d'une directive européenne sur l'imposition de l'épargne, la banque HSBC avertit ses clients par courrier pour leur expliquer, je cite, qu'il existe de nombreux instruments et structures pour échapper à cette taxation. À la fin de cette lettre, HSBC invite d'ailleurs ses clients à se rapprocher de leur conseiller pour connaître les dispositions à prendre. C'est le point de départ d'une opération d'évasion fiscale à grande échelle, comme l'explique Fabrice Lhomme. En fait, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que des conseillers d'HSBC contactaient directement des clients, ou alors certains clients venaient directement à la banque dont ils avaient entendu parler, parce qu'elle avait une réputation, on va dire, d'opacité assez forte, du moins à l'époque, à condition d'avoir, c'était le ticket d'entrée, d'avoir $1 million au minimum de patrimoine à placer. Mmh. On plaçait cet argent donc qui n'était pas déclaré, et ensuite HSBC, pour créer en quelque sorte un écran supplémentaire par rapport aux velléités fiscales, proposait aux clients de créer des sociétés écrans, des sociétés offshore. offshore, derrière lesquelles se dissimulaient in fine les clients. Ces sociétés étaient domiciliées au Panama, aux îles Vierges britanniques et dans d'autres paradis fiscaux, afin de déjouer en fait le fisc. Et ça a très bien marché, parce que sans les données dont nous révélons aujourd'hui l'existence en détail, eh bien ces centaines de millions, voire de milliards d'euros qui resteraient toujours sans doute à l'abri dans les coffres de la banque suisse. Un procédé dont HSBC promettait à ses clients la plus parfaite sécurité, comme en témoigne cet ancien client interrogé par le journaliste Ben Lewis pour son documentaire Falciani et SwissLeaks, coproduit par Arte. Ce compte était ouvert par mes parents à la Republic National Bank of New York, SAFRA, qui après ça a été transféré chez HSBC. Et au décès de ma mère, on a fait le transfert du compte de ma mère à un nouveau compte anonyme, secret. C'était un compte numérique, un numéro avec deux lettres, et mon nom n'apparaissait nulle part. La banque m'a assuré que c'était sous secret bancaire total. Je ne pouvais pas me faire prendre par le fisc, étant donné qu'on ne retrouvait mon nom nulle part. Mais quel était le bénéfice pour la banque ? Multiple, bien sûr. D'une part, une banque vit du dépôt de ses clients, et comme HSBC est spécialisée dans le recrutement des fortunes, elle a besoin de leurs actifs pour prospérer. D'autre part, HSBC s'enrichit en créant les sociétés offshore pour ses clients, qu'elle leur facture en retour, bien sûr. Par un simple jeu d'écriture, elle facture le service jusqu'à 100 000 euros, ce qui permet à la banque d'amasser des fortunes colossales. Donc, tant pour la banque que pour ses clients, l'évasion fiscale est une procédure intéressante, du gagnant-gagnant, aux dépens des grands perdants, les États et donc tous ceux qui ont besoin de l'État, souvent pour survivre. Mais la banque britannique n'est pas la seule à avoir commis de tels délits, et l'affaire SwissLeaks ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. D'autres établissements, en particulier le géant helvétique UBS, sont dans le collimateur de la justice pour des procédés similaires. Que l'on qualifie ces manœuvres destinées à réduire les impôts de fraude, d'optimisation fiscale ou d'ingénierie financière, le problème reste entier. L'évasion fiscale est un fléau. L'histoire d'HSBC en est son symptôme. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, hold my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. And if you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside, or only want to take me. Beast won't go to sleep. Oh, I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knees. Oh, I'd call to you, baby, and I'd hold at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say please, please. if you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand. Oh, if you want a lover, I'll do anything you ask me to. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'évasion fiscale et en particulier l'affaire SwissLeaks avec HSBC. Nos invités, mais ils sont deux, c'est pour ça que je dis non. Bonjour madame, bonjour monsieur. Monique Pinson-Charlon et Michel Pinson, vous êtes tous les deux sociologues et ça fait des années que vous enquêtez sur les coulisses de ces affaires d'évasion fiscale. Vous êtes les auteurs du livre d'ailleurs intitulé « Tentative d'évasion fiscale » paru aux éditions La Découverte en septembre dernier. Voilà, alors on l'a dit, la dimension morale de la fraude fiscale est là, prégnante. Incontournable, c'est aussi une affaire de budget, c'est une affaire financière, c'est plus une affaire morale que financière. Monique Pinson-Charlon, c'est ce que vous retiendriez d'abord, la dimension morale, et en l'occurrence immorale. Elle est morale pour nous, parce que nous on croit à une certaine solidarité avec notamment les classes populaires, avec on consent à l'impôt, on a envie, on n'est pas mécontent, on paye beaucoup d'impôts, le lien social, hein, l'impôt voilà, comme lien c'est social, c'est le lien social, c'est le bien commun. Et donc, mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous avez dans votre récit et dans nos travaux, c'est que ce sentiment-là n'existe pas chez les puissants. Et par exemple, le récit que vous avez fait par rapport à Arlette Ritchie est très intéressant parce que on voit là qu'elle est parfaitement exemplaire des membres de cette oligarchie qui fraude le fisc de façon systématique, que ce soit des énarques aux avocats fiscalistes, en passant par les banquiers, les hommes politiques, enfin tous ceux qui sont au sommet des différents secteurs de l'activité économique et sociale. On peut dire que nos travaux montrent véritablement une mobilisation d'une classe sociale dominante, bien déterminée à ne plus contribuer au bien commun, par des impôts qui seraient payés à la hauteur de leur fortune. C'est-à-dire des gens qui ont le sentiment, qui se disent l'État me pique mon argent, quoi, en gros. Oh, c'est beaucoup plus grave. Je crée des richesses et on me pique mon argent, c'est ça ? C'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que ça n'est pas cette question-là de « on m'en prend trop » parce que je vais vous dire, quand on a des milliards, quand on a des dizaines de millions d'euros, on n'en est pas à quelques euros près. Donc c'est pas une question d'enrichissement personnel et c'est pas une question d'un État qui me fraude. C'est plutôt, nous avec Michel, on part de l'hypothèse que nous a suggéré le milliardaire américain en 2005, Warren Buffett, qui disait qu'on était passé de la lutte de classe à la guerre de classe et que c'est nous les riches, disait-il, qui la menons et qui sommes en train de la gagner. Et donc, si vous voulez, avec la fraude fiscale, on est face à une arme économique et politique qui crée la dette publique. Et cette dette publique, elle est très bonne pour les puissants. Parce que d'une part, elle exige des peuples qu'ils consentent à toujours travailler plus pour gagner moins et à être soumis. Et par ailleurs, pour elle, c'est génial, parce que ça fait d'autant moins d'hôpitaux, d'écoles, de choses publiques, de biens communs. À financer, ouais. Et potentiellement autant de cadeaux pour elle. Alors justement, Michel Pinson, est-ce qu'on sait le montant que représente la manne, et donc le manque à gagner, que représente l'évasion fiscale pour un pays comme la France, dans les données les plus récentes ? Au minimum 80 milliards d'euros pour donc l'évasion fiscale en France. C'est un chiffre qui correspond grosso modo au déficit budgétaire. Autrement dit, les fraudeurs mettent l'État et les services publics en difficulté par leur fraude. Et donc, ce qu'ils font n'est pas simplement un vol sans conséquences importantes. Ce qu'ils font, c'est de détruire le travail possible d'un État qui serait financé correctement. Ça veut dire, rendons-nous compte de ce que nous disons, c'est la réalité, ça veut dire que les déficits publics qui sont à l'origine de tous les problèmes sociaux, qui sont à l'origine du manque de marge de manœuvre pour les politiques, c'est l'évasion fiscale. Ça correspond, ça veut dire que si on remettait la main sur l'argent de toute l'évasion fiscale, on n'aurait plus de déficit public, c'est incroyable. Ah ben c'est vraiment intéressant parce que si vous voulez ça va vraiment dans le sens des hypothèses que nous proposons d'une guerre de classe parce que la dette publique ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'elle comme il y a interdiction pour l'État français d'emprunter à la Banque de France et obligation d'emprunter sur les marchés financiers. Mais quand on a dit ça, les auditeurs n'ont rien compris. Mmh. Les marchés financiers, je peux vous assurer, c'est des gens que nous, on a rencontrés autour d'une table, c'est-à-dire des hommes et des femmes faits de chair et de sang, des créanciers qui ont de l'argent et qui prêtent à l'État avec des intérêts évidemment fabuleux. Et donc, si vous voulez, cette histoire de dette, c'est un conte absolument, je sais pas, je dirais vraiment immature et infantile, puéril, parce que la dette n'a pas vocation à être à s'éteindre. La dette, c'est une arme pour asservir le peuple. Et vous savez, cette histoire, elle sera sans fin. C'est un enfer épouvantable dans lequel s'enferrent les peuples sous la domination de cette classe. Et nous, notre travail de sociologue et vous, votre travail de journaliste aujourd'hui avec cette émission, c'est précisément de casser le sentiment de peur, de sidération, d'impuissance qui nous envahit quand on se dit mais c'est pas possible qu'ils fassent ça. On n'ose pas le dire, mais je le dis quand même, c'est un crime collectif contre le peuple. En tout cas, c'est une réalité. Voilà. Et bah, du coup, je ne sais plus où j'allais. On va très bien vous aider. On revient sur la dimension morale de cette affaire, et en l'occurrence immorale, bien sûr. Alors, il faut des complices pour cela, évidemment. Et le premier des complices, c'est la Suisse. Alors, d'où vient cette, Michel Pinson, cette tradition suisse de se rendre coupable de ce genre de choses? C'est une vieille tradition. Le premier scandale impliquant des Français et une banque suisse remonte à 1932. Trois banquiers suisses sont interpellés à Paris en possession d'une liste de 1100 noms de détenteurs de comptes non déclarés, dont trois sénateurs, un ancien ministre, la famille des propriétaires du Figaro de l'époque, des généraux, des ecclésiastiques, des industriels, dont les membres de la famille Peugeot. Donc voilà un point de départ qui est bien établi, qui est documenté. On peut en retrouver les traces. La fraude maintenant se multiplie, s'enracine en partie par la proximité géographique de la Suisse, mais la proximité géographique, c'est aussi une proximité linguistique. Et les cantons suisses le canton de Vaud, dont la préfecture est Lausanne. C'est un canton francophone, entièrement francophone, de même que le canton de Genève, ce qui fait que les familles qui s'expatrient et qui changent de domicile pour être domiciliées à l'étranger, en Suisse, utilisent beaucoup ces cantons qui sont le lieu le plus, où il y a la densité la plus forte d'émigrés fiscaux. Alors, un décret européen sur le partage de renseignements bancaires dans toute la zone Europe doit entrer en application le 1er janvier 2018. On parle partout de la fin du secret bancaire en Suisse. Là, apparemment, on se dit c'est la solution. On lève le secret bancaire et on a trouvé la solution. Est-ce que ça suffit ou pas? Ben écoutez, alors nous, on est vraiment des enchanteurs jusqu'au bout. On a une sociologie qui est qui est désespérante, parce que non, on dit que c'est une avancée par rapport à la lutte contre l'évasion fiscale, mais en même temps, la force des banquiers, des avocats fiscalistes, des Big Four, la force de tous ces gens-là, c'est précisément de rebondir dans l'opacité financière et fiscale au fur et à mesure que des lois apparemment positives leur sont imposées. Alors, donc, d'abord, d'une part, je vous ferai remarquer que le secret bancaire suisse ne sera levé que le 1er janvier 2018. Et ça, oui, on le sait. Je viens de le dire, ouais, 2018, oui. Voilà, vous venez de le dire, mais j'insiste là-dessus pour dire qu'on les a prévenus longtemps, longtemps à l'avance, afin que de comptes nominatifs à numérotés, on passe de manière absolument systématique à des comptes avec des trusts, de multiples sociétés écrans qui s'étalent comme la banque HSBC, comme une pieuvre dans des filiales dans les paradis fiscaux pour mieux cacher l'argent et notamment le dissocier complètement des noms de leurs propriétaires. De telle sorte que vous pourrez vous lever tôt, vous ne reconnaîtrez jamais un chat légal d'Amato suspect. Alors, Monaco a fini par plier, vient de signer un accord, là on vient de l'apprendre, hein, on s'inscrit dans l'actualité, vient de signer un accord contre la fraude fiscale en Europe. Quand on dit Monaco a signé un accord contre la fraude fiscale en Europe, est-ce qu'on est dans la réalité ou dans la schizophrénie ? Voilà. Michel Pinson. Comme Monique vient de le dire, le problème est que c'est un engagement formel. Il va y avoir des noms qui vont circuler de malheureux petits fraudeurs qui ne représentent pas un intérêt. On reparlera d'eux un peu plus tard, mais on reparlera d'eux, effectivement. Ouais, ils ne représentent pas un intérêt important. Et ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est cet empilement de sociétés écrans, de trusts, qui sont d'autres manières de isoler un avoir, un capital, sans qu'il y ait le nom du possesseur qui soit mêlé à ça. Il n'y a que dans les secrets profonds des banques que ces noms sont conservés. Et voilà. Donc Michel là vient de prononcer le mot qu'il fallait prononcer, le secret. Parce que vous pouvez faire, cher ami, tous les échanges automatiques que vous voulez, mais c'est entre administrations fiscales. Et entre administrations fiscales, à quel niveau ça se passe ? Moi, qui suis la spécialiste avec Michel des oligarques, je dirais ça va se passer entre échanges au plus haut niveau, au sein d'une oligarchie absolument mondialisée. Et tout ça va se faire sous le secret. C'est-à-dire que vous avez, comme nous, dans nos enquêtes, on se heurte au secret fiscal, au secret bancaire, maintenant au secret des affaires. Heureusement qu'on n'est pas encore confronté au secret défense, parce que sinon, on lâcherait prise. Est-ce que ça veut dire que les fraudeurs sont plus forts que les administrations fiscales des pays et que la gouvernance des pays, et même gouvernance collective, européenne, mondiale, ils sont encore, aujourd'hui les fraudeurs sont plus forts que le système. Ah ben écoutez, c'est parce qu'ils bénéficient aussi de la complicité de Bercy pour la France. Parce que à Bercy, vous avez le verrou de Bercy qui n'a pas été supprimé, y compris après l'affaire Cahuzac. Le verrou de Bercy, on peut le dire en 30 secondes, c'est le ministre du budget qui est un chef de gare et qui a la possibilité de bénéficier d'une dérogation au droit commun, c'est-à-dire il est le seul à pouvoir lancer une enquête judiciaire, faire poursuivre en correctionnel, pardon, je m'embrouille, les fraudeurs. C'est que lui, il a le pouvoir d'aiguiller, donc il aiguille, vous avez parlé tout à l'heure de poissons, j'ai adoré ça, les petits poissons vers le tribunal correctionnel de Paris et les gros poissons vers les cellules de repentance. Vous payez vos impôts, quelques amendes en prière et les portes du paradis vous sont à nouveau ouvertes avec la garantie absolue que vous ne passerez jamais devant le tribunal. Et si Arlette Ricci y est passée, c'est bien parce qu'elle a refusé la repentance. Alors, justement, face à ce problème de l'évasion fiscale, Bercy se donne-t-il les moyens d'intervenir, hein ? Ça renvoie à ce que nous venons de dire. On va écouter ensemble l'avis de celui qui était ministre des Finances au moment de l'affaire, Michel Sapin. Techniquement, ça peut toujours se reproduire, mais je pense que nous sommes passés dans une nouvelle période. Quand je vois le nombre de ceux qui régularisent leur situation, depuis la Suisse ou ailleurs, mais là en l'occurrence beaucoup de la Suisse, qui veulent absolument déclarer leurs avoirs, qui viennent payer leurs impôts et les rappels correspondants, j'ai le sentiment que vraiment il y a maintenant un état d'esprit différent. Il faut solder le passé, il faut être intraitable avec les fraudeurs du passé, il faut être intraitable avec ceux qui ont aidé à la fraude, même parfois qui ont organisé la fraude, mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, l'état d'esprit est différent. Réponse. Michel Pinson, l'état d'esprit est-il différent ? Il y a une réponse qui est un peu dramatique. C'est que aujourd'hui, il y a un président de la Commission européenne qui s'appelle Monsieur Jean-Claude Juncker, qui a été ministre de l'économie, premier ministre et président de l'Eurogroupe, président de l'Eurogroupe, des ministres des finances européens au Luxembourg, ouais. Et qui donc avait une parfaite connaissance de ce qui se passait dans son pays. Notons que les bâtiments, il y avait des bâtiments qui se construisaient, par exemple pour la société Amazon, ces bâtiments étaient censés accueillir le pôle dirigeant de l'entreprise Amazon. En fait, il y avait 20 salariés qui faisaient surtout de l'archivage et de... ce qui se passe là, c'est que on a des sociétés qui viennent se localiser au Luxembourg pour ne pas payer les impôts qu'elles paieraient si elles les payaient là où elles sont actives. Donc il y a un détournement, et ce détournement est fait en connaissance de cause du ministre du Luxembourg. C'est quand même quelque chose qui ne peut pas passer inaperçu. Et donc il faut conclure que Jean-Claude Juncker est coopté par l'oligarchie pour être président de la Commission européenne, et Antoine Deltour, le lanceur d'alerte, grâce à qui ses rescrits fiscaux ont été mis sur la place publique, lui va subir un jugement du 26 avril au 4 mai, où il risque 5 ans d'emprisonnement et une amende d'1 250 000 euros. Ce que ce cas de figure montre de manière évidente, c'est qu'il y a une compromission à un niveau très élevé des personnels politiques qui nous fait douter de l'honnêteté de toutes ces mesures annoncées à grand fracas, mais qui ne vont pas donner grand-chose. Alors rapidement, parce qu'il ne reste que 2 minutes et demie, j'aurais 2 questions à aborder. Bah oui, madame, ça passe vite hein, quand on a beaucoup de choses à dire. Les paradis fiscaux, on les connaît, Panama, Île Vierge, Britannique, Jersey, Singapour, la Suisse évidemment. Mais ailleurs, il y a des paradis fiscaux là où peut-être on ne s'attend pas à les trouver. Ah ben c'est au cœur des pays les plus développés. Donc le premier paradis fiscal en matière de montant de dépôt, c'est le Delaware aux États-Unis. Et merci les États-Unis, eux, ils font des lois comme la loi FATCA qui est à sens unique, c'est-à-dire les Suisses doivent dénoncer les Américains qui ouvrent des comptes à Genève, mais pas de réciprocité. Le Delaware essaye de capter tout l'argent de l'évasion fiscale. Et je rappellerai à vos auditeurs que les États-Unis ont refusé de signer l'échange automatique d'informations qui va entrer donc en vigueur en Suisse au 1er janvier 2018. Donc c'est le grand trou noir de l'évasion fiscale, c'est les États-Unis. Et ça, on ne le dit jamais assez. Eh ben c'est dit. Parlons quand même juste une minute des petits fraudeurs. Alors parmi ces gens, je sais pas, qui en Suisse ont peut-être placé ou caché 200 000 euros, 100 000 euros. Il y a des gens qui se retrouvent avec des héritages, par exemple, des héritages qui avaient été cachés, puis qui ne savent pas comment se dépêtrer de cette situation. Qu'en est-il pour eux ? On avait parlé de sorte de cellules de dégrisement, j'appelle ça dégrisement, mais cellules de repentance. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces gens-là ? Ils sont venus, ils ont dit voilà, j'avais de l'argent, ils ont été pénalisés. Comment ça s'est déroulé ? Michel Pinson, vous voulez répondre ? Pour les petits de ce type, enfin qui ont quand même un patrimoine non négligeable qui est engagé, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ce qui est beaucoup plus important à savoir, c'est que les fraudes fiscales mineures des artisans, par exemple, hein, qui peuvent ne pas enregistrer toutes les rentrées d'argent qui leur arrivent par leurs clients, ces petits fraudeurs risquent beaucoup de passer en justice, alors que les grands fraudeurs en France ne passent pas en justice parce qu'ils sont orientés par le ministre du budget, qui est le chef de gare, et ils sont orientés vers les cellules de repentance, de régularisation, qui bien entendu se passent en famille. Bon, en 30 secondes, votre sentiment quand même sur ce lanceur d'alerte, Hervé Falciani, Monique Pinson-Charlot, 30 secondes. Ah ben moi je dis un grand merci, je dis un grand merci à tous les lanceurs d'alerte, et je vais vous surprendre, mais je dis un grand merci à tous les divorces, à tous les conflits entre mère et fille, à tous les conflits entre cousines et patrons du MEDEF, parce que entre les lanceurs d'alerte et les problèmes familiaux, eh bien voilà, c'est pas le résultat massif de la traque de Bercy que tous ces fraudeurs dont a parlé Michel Sapin tout tranquillou, c'est le résultat des lanceurs d'alerte et des conflits de famille. Bien, madame, monsieur, je vous remercie, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, donc, de lire votre livre, une tentative d'évasion fiscale. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.